davantage sans inconvénient. Tout plaisir comporte sa part de peine. Le mauvais côté des bonnes choses. Tranchant le côté sombre, l'autre côté de la rive, à de noir, de blanc et de gris, comme un équilibre. Mais ce monde n'existe pas sans mal. Un peu passé.